La micaouette me fait la tête. Cacahuète. La petite Noé veut plus me parler. Canoë. La micao, ma micao. Cacao. La petite Ramel m'est infidèle. Me mine le moral. Caliban. Mamselle, le son long me traite de con. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'émission des ados. Donc j'espère que vous allez tous bien. Et voilà. Bien, merci Timothée. Bien, bonjour bien, à tous. Bonjour. Et comme dit si bien Timothée, nous espérons que vous allez bien. Alors on va tout de suite faire un petit coucou à Nicolas qui ce matin nous a dit avant de partir qu'il écouterait la radio. Et comme il sera dans le futur amené à venir participer avec nous, c'est bien déjà qu'il puisse s'imprégner de l'ambiance à la radio. Voilà. Oui. Donc on va faire un petit tour de plateau pour voir qui est là. Alors, en technique. Bonjour Juliana. Oui Juliana, tu es avec qui ? Avec Marc. Oui. Dis bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour Marc. Ensuite, bonjour Marc. Christopher, toujours présent. Ensuite. Bonjour, je m'appelle Camille. Oui. Bonjour, je m'appelle Steven, toujours à la rescousse. C'est Didier. Ici, Nadine. Timothée, bonjour. Voilà. Tout le monde va bien ? Oui. Oui, on sent crier, oui. C'est bien aussi. Ah. Voilà. Donc, la dernière fois. Il y avait une chanson mystère. Qui était ? Moi. Bon, déjà, il n'y a pas eu d'appel. Steven. Il n'y avait pas eu d'appel, donc elle était peut-être trop difficile. Hein. Bon, eh bien, c'était Zucchero. Ouais, comme dit Camille, c'est quoi de ça ? Ouais. Pourtant, c'est connu. Mais bon, voilà. Donc, aujourd'hui, il y en a une nouvelle choisie par Steven. Alors, ouvrez grand vos oreilles et tous à vos téléphones. 06. Ah, 03. 03 80. 29 40 40. Oh, 62 40 40. Voilà, eh ben on écoute la chanson mystère. Appelez. Allez, Nico. Oh, bibliothèque. Voilà la chanson mystère choisie par Steven. Voilà. Alors Marc nous a dit qu'il y avait un appel. C'est qui? Chut. Allô? C'est Corinne. Ah, Corinne. Mais qui est-ce? C'est qui? Chut. Qui est au téléphone? C'est Nicolas. Ah, Nicolas. Oh, oh. Alors, Nicolas est motivé pour venir à la radio, hein, voyez. Oui. Alors, Nicolas, est-ce que tu as reconnu la chanson? Pink Floyd. Oui, et le titre? Another Brick in the Rain. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te souffle là, non? Non, là, la personne pour une. Mais oui. Alors ça, c'était la chanson que Steven avait choisie et il est super content, hein? Oui. Oui, que quelqu'un ait trouvé. Ouais. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire, Nicolas, que tu viendras partager une émission avec nous? Oui. C'est qui, Eva? Tu aimerais? Oui. Oui. Au revoir. C'est Nicolas, c'est Mehdi. Donc, bah, écoute, on en reparlera, hein? Et puis, à l'occasion, tu viendras partager une émission avec nous. Oui. Chut. D'accord, Nicolas? Oui. Oui? Eh ben, écoute, tu vas aller où, là? À la ludothèque? Oui. Eh ben, écoute, on te souhaite de bien jouer. Oui. Hein? Et à plus tard. À plus tard, merci. À plus tard, Nicolas. Au revoir. À tout à l'heure. Bravo, Nico. Bravo, Nico. Bon, c'est super. Oui. Je savais que c'est... Je savais qu'il y a quelqu'un qui couvre la musique. Je savais que c'était Nicolas qui avait appelé. Oui. Tu savais? Moi, je croyais que c'était Marion. Non, maman. Mon... mon petit doigt m'a dit moi, je pensais Nicolas. Que Marion ou ça, Madame Labrouk. Madame Labrouk, c'est qui ça? Madame Masterbrook. Madame Masterbrook. Ah, je sais plus moi. C'est qui ça, Madame Masterbrook? Mais je sais plus comment il s'appelle. Schwartenbrook. C'est la directrice. C'est pour ça qu'elle va appeler. C'est Nicolas. Mais on l'a invitée à venir à la radio aussi. Hein. Ah, je m'en rappelle. Oui. Elle a dit qu'elle viendrait à l'occasion. Ouais. Deux points. C'est Nicolas qui a trouvé la musique. Voilà, donc Nicolas, oui. Ben, c'est Kat, il viendra à la radio. Ouais. Oui. On va voir se serrer un petit peu. Par là, il viendra à côté de moi. Oh, je ne crois pas que ce soit le bon choix, hein, Christopher, Nicolas. Hein. Alors, allez. Zinedine, Steven. Nicolas, Zinedine. On va parler un peu de nos sujets. Ouais. Hein. Alors, déjà, il y avait l'actu, un petit peu, ce que vous aviez entendu ou vu ce week-end. Qui veut commencer? Steven, vas-y. Ce week-end, la grève. C'est plutôt... tu parles des gilets jaunes? Oui. Ah oui, d'accord. Ben, c'est plutôt des blocus? Oui. Oui. Et ça va se passer où, ça, Steven? Ça va passer à Marmont. Carmirmont. Et aussi à Saint-Amé. À Saint-Amé. Et je sais pas. Les autres, vous pouvez l'aider, hein. À Brest. On avait, nous en avions un petit peu parlé la semaine dernière. Juliana, elle en avait déjà parlé, mais là, ça se rapproche, hein. Donc, oui. Ça va se passer dans toutes les villes. Voilà. Pour donc, ça veut dire... Naissance. Pour l'essence. Alors, tout le monde ne pourront pas rouler. Ceux qui vont en boulons, ils pourront pas rouler. C'est qu'un... Oui, parce qu'ils vont être... bloqués. Bloqués. Et ils seront au milieu de la route. Qui? Les gens. Ah ben, ils vont bloquer les grands axes, toutes les stations, même les magasins, certains magasins, hein, là où ils vendent de l'essence, surtout. Pas. Comme Leclerc. Que? Pas qu'ils roulent au milieu de la route, mais tout simplement pour bloquer les voitures. Ah bah le but c'est pas de faire le bazar, hein. Et on, hein? C'est, ils vont faire quoi? Ils vont prendre les panneaux, ils vont dire baisser les prix de l'essence à des gros panneaux, ça. Ouais. Alors est-ce que vos parents vont se mobiliser pour cette journée-là? Ah oui. Moi, ma sœur. Ta sœur, elle y va. Ok. Et toi, Steven? Moi, ma famille d'accueil. Ils y vont. Oui. Donc tu vas aller avec eux? Oui. Ok. Et les autres? Non. Non? Non. Ma mère, elle a pas de voiture. Timothée? Non. Est-ce que tes parents y vont? De quoi? Ah, alors Timothée n'a pas trop suivi. Juliana? Est-ce que tes parents font la grève? C'est une manifestation. Non. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Donc, je ne sais pas où tu étais, Timothée. Tu n'as pas entendu un mot de ce qu'on vient de dire. Juliana, pourquoi il y a des manifestations, des blocages samedi? Parce que les chiens, c'est trop cher pour baisser les prix. Est-ce que tu as entendu, Timothée ? Oui. Oui, alors, la question était... De Zazon ! Est-ce que tes parents y vont ? Non. Non. Non. Et Zinedine ? Oui. Oui, alors, qui y va ? Toi ? Papa ? Maman ? Non. Et toi et maman ? Toi et ta maman ? Non. Non, alors qui ? Dédé, moi, ça pas faim. Ah bah alors tu y vas ? Oui. Oui ? C'est bien ? Non, des deux atomes. Deux seulement ? Six atomes, moi, voilà. Oui, Juliana. Marc, il y va pas. Pourquoi tu lui as demandé ? Oui. Et toi, Corinne ? Bah, écoute, c'est son droit, Marc. Hein ? Chacun fait ce qu'il veut. Et toi, tu vas y aller ? Bah, je vais essayer. C'est ta journée en train de dire. Mais c'est pris les sorts. Alors, est-ce que vous croyez que les gens qui y vont, c'est pour manifester seulement pour l'essence ? Là, pour baisser le prix. Plus. Ils manifestent peut-être aussi pour d'autres choses, non ? Vous ne croyez pas que c'est un peu un ras-le-bol général ? Oui. Vous n'avez pas entendu ça à la radio ? C'est quoi un ras-le-bol ? Non. Oui. Je pense que c'est pour aussi autre chose. Ah, alors, dis voir pourquoi, Juliana. Je sais pas, pour les autres, je sais pas. Peut-être aussi pour, à cause de Macron, qui a laissé monter les prix. Parce que Macron, il a laissé monter les prix. Oui. Mmh. C'est lui le président, normalement, qui décide du tout. C'est lui qui décide des prix ? Bah oui. C'est le président. Oui, mais en France, on les achète quand même, les barils de pétrole. Pétrole. Et forcément, si les barils augmentent, l'essence augmente. Si les barils baissent, normalement, ça devrait être aussi répercuté. Sur l'essence. Mais, voilà, en attendant, tout le monde en a marre. Et ça, c'est tout le monde fait. La CSG augmente. L'essence augmente. Le pétrole aussi. Le pétrole. Oui, c'est pareil. Le pétrole, c'est noir, ça rappelle. Mmh. Donc, je pense qu'il va y avoir du mouvement dans vos villages ou dans vos villes ce samedi. Et puis, tu crois qu'à la Bresse, il ne se passe rien samedi ? Il n'y a pas de station d'essence à la Bresse. Il n'y a pas de station d'essence à la Bresse. C'est un peu plus loin, il y en a une. Ah, ben, il y a une station quand même. Oui, mais ouais. c'est pas trop. C'est un peu plus loin. Oui, Juliana. Il y en a partout des stations. Ah oui. Ça peut plus dans toutes les villes, des stations d'essence, dans toutes les villes. Bah oui, Zinedine, Gérardmer, il y a de l'essence aussi. Ouais. Tu veux bien parler dans le micro, Zinedine ? C'est pas l'heure de la sieste. Voilà. Est-ce qu'il y a des stations d'essence à Gérardmer ? Pour aller chercher de l'essence. Ouais. Quand tu es en voiture et que papa, il va où ? Donc. À Gérardmer ou alors il va ailleurs ? Non. À Gérardmer ? Oui. Ah bah oui, donc il y a des stations à Gérardmer. Et... Une, c'est tout ? Ouais. Bon, on aura un peu plus que ça, Zinedine. Mais bon, peut-être parce que tu vas toujours à la même. Bon, allez, donc c'est bon alors ? Ou peut-être ils vont bientôt monter encore les prix, peut-être plus cher encore. Plus cher. Bah oui, pour gagner plus d'argent. Et pourrait faire ça, mettre plus cher. Il pourrait mettre plus cher, toi ça te dérangerait pas. Et si ça dérangerait, non ? Oui. Mais regarde, Christopher, si l'essence coûte plus cher, ton chauffeur il pourra pas t'emmener, vu qu'il pourra pas payer si ça coûte plus cher. C'est vraiment t'as à rouler en vélo ? Bah tu rouleras alors. Bah disons que Juliana, les courses elles coûteront plus cher. Mmh. Et c'est facturé à qui ? On avait déjà parlé de ça. Les courses ? À la DPI. Bah voilà, à l'IME. Oui. Donc ça va impacter sur le budget de l'IME. Ah ouais. Si ça monte trop, que les courses des taxis sont plus chères. Oh. Oui. Ils vont pas vouloir nous emmener. Et après ils risquent de râler la DPI. Ils vont râler. Mmh. Là, ils vont changer de ce qu'ils prennent, ils vont prendre un autre taxi. Bah, que ce soit une compagnie de taxi ou une autre, le prix de l'essence ne sera pas moins cher pour l'un ou pour l'autre. Ou ils enlèveront des activités qu'ils feront à l'IME. Ah non. on écoute Christopher. Alors, l'IME, ils enlèveront des activités. Oui, certaines activités comme la bibliothèque. Pour compenser le prix de l'essence. Ah oui, comme ça. Donc, on sortira plus de l'IME. Comme ça, on n'utilisera pas d'essence. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, si l'essence elle coûte trop cher, que l'IME, elle paye l'essence. Ils ont besoin d'enlever des activités. Oui, tout ce qui coûte de l'essence quand il faut se déplacer, c'est ça que tu veux dire. Comme la radio, la bibliothèque. Oh, on ne viendrait plus à la radio. La ferme. La médiathèque. Déjà dit. Non. Les grands, il faut. Fin. Eh, mais t'es dit, non, tout. Ah, t'es pas d'accord, Zinedine? Oui, oui. Bah non, attends. Alors, vous viendriez à l'IME pour faire que les activités à l'IME. Non, que certaines deux, peut-être trois. Vous seriez pas déçus de ne plus pouvoir sortir? Ah oui, je serais déçu. Moi, j'ai besoin de sortir. Ah, je serais déçu. Bien sûr, oui. On a besoin de sortir, mais bien sûr. Oui, Juliana. Si on enlève les activités, Christopher, on pourra plus. On travaillera dur après. Ah oui. Alors moi, je préfère faire des activités. Moi, je préfère travailler dur. Parce que quand il y a des activités... Attendez, je voudrais que Juliana, elle pousse un petit peu plus loin. Ouais, des jours. Chut, on écoute Juliana. Alors Juliana, les activités que tu fais actuellement, ça va, c'est pas trop dur, c'est pas fatigant. Hein, c'est ça que tu dis? Et puis, si on enlève les activités qu'il y a en ce moment, celles qui auraient après vont être dures. Non, parce que je voulais dire qu'on travaillera plein pot. On fera que ça. On travaillera à la place de faire des activités. Oui, mais on fera quoi comme travail? Attendez, vous pouvez baisser votre main. On fera les travaux qu'on fait avec Justine d'habitude. Alors, du genre, quoi? Des maths, des calculs, la physique. Ah oui, du scolaire. Et puis ça, c'est dur. Non, mais si on enlève les activités, après on fera que ça, on ne pourra plus aller dehors. Vous feriez que du scolaire? On ne pourrait plus aller au collège? Plus de collège, hop, allez, toute la journée. Oh. Oui, mais vous pourriez faire du scolaire à l'IME. Non. Là, ils vivront même des adultes. Même virer même des adultes. Ah, alors si l'essence est trop chère, ils vont virer des adultes. Tu vois ça comme ça, toi? Mais vous serez toujours. Oui, alors certains adultes. Il faut bien s'occuper de vous. Ouais. Oui, Juliana. Puis, si l'essence coûte trop cher, ton chauffeur, il pourra pas t'emmener à l'IME. Faut que tu restes chez toi. Ah non. Si, il l'emmènera à l'IME, mais les courses seront un peu plus chères, Zinedine. Voilà, et tu pourras pas goûter chez toi. Zinedine, j'ai pas compris ce que Juliana disait. Tu pourras pas faire tes courses. Ah oui, rentrer chez moi et revenir. Voilà. Voilà. Alors du coup, c'est pour ça qu'ils mettent moins cher. Voilà, moi, pourquoi ça va coûter trop cher? Mais non, je préfère qu'ils soient moins chers que trop chers. Tu sais? Ouais. Aussi, s'ils mettent trop cher, les gens vont plus vouloir aller à l'essence. Alors, oui, qu'est-ce que les gens ils vont faire? Zinedine, ça t'intéresse pas ce qu'on dit? Non, oui. Alors, ils vont être pas colère. Voilà, alors qu'est-ce que les gens ils vont faire pour dépenser un peu moins d'essence? Enfin, des bidons d'essence. Ils vont aller moins avec la voiture. Non, l'idée là, tu nous l'as déjà sortie. Faire du vélo. Ah, il y en a qui vont peut-être aller travailler en vélo, d'autres... À pied. À pied. Ah, faut faire du vélo à pied. Il ne faut pas être trop loin de son travail. Oui, Steven. Elle dirait en quoi, Ah bah non, en quoi, du coup, de l'essence. Ouais, en code électrique. Il faut peut-être limiter ses trajets aussi. Celui qui a l'habitude de rouler tous les jours, de faire des kilomètres et des kilomètres, et puis peut-être certains pourrières, il roulera un peu moins. Ah oui, peut-être qu'il aura même des trottinettes électriques qui vont te vendre plus. Zinedine, t'avais une idée? Oui. Oui, quoi? En avion, non? Et puis il y a des personnes aussi qui s'arrangent pour partir ensemble, du covoiturage. Ah oui, on voit ça souvent à la télé. Quand voilà. Sur ton téléphone, tu fais ça, hop, quand il tirage, hop. Oui, il y a des sites exprès pour ça, mais c'est bien aussi d'être à plusieurs pour aller au travail. Ah, ouais. Ce qui fait que ça revient moins cher. Hein? Et quand même, ils vont faire comment les camions, ceux qui livrent la nourriture dans les magasins, ils vont faire comment? Zinedine, tu veux bien poser ça et t'asseoir. Merci. Oui. Vous avez entendu la question de Christopher? Oui. Zinedine. Oui. C'était quoi sa question? Il a dit les camions qui donnent à manger, qui donnent à manger au magasin, comment ils vont faire? Bah oui. Bah Christopher a posé la question, moi j'attends que vous répondiez. Donnez vos idées. Comment ça va se passer? En bateau? En bateau, c'est comment il y a l'eau claire, en bateau. En bateau. Bah ils vont essayer d'aller à pied. À pied. Toute la nourriture. Mais non, mais ça va faire comme vos taxis. Voilà. Les transports vont être plus chers aussi. Pour les magasins aussi, comme c'est Peru, Cora, tout ça. On fait pas de pub à la radio. Magasin shopping. Il y a même certains magasins qui vont fermer, peut-être ça va coûter trop cher. Oui. Bon, allez, pour les gilets jaunes, là, c'est bon? Oui. Alors, la deuxième actu, c'était quoi? La commémoration des soldats. Les commémorations ce week-end. Alors, à la fin des soldats. C'était la fin des soldats. La guerre. Mais quelle guerre? La guerre mondiale. Oui, mais laquelle? 1988. Comment? La guerre de 1988. 1988, ah non. 18. 9000. Je ne sais pas courir. 18. Ah, il y a un chiffre avant. 19-8. Le 19. 14-18. 1914-1918. Et ça faisait combien de temps? 100 ans. Voilà, bien Camille. C'est là, ils étaient là pour protéger la France. Oh, ils se sont battus, Il est toujours là, la France, parce qu'ils ont bien protégé la France. Ils se sont battus pour la liberté de la France, oui. Oui, Zinedine. Oui, ils se sont battus, oui. Bon, dit-il. Ils ont balancé de l'essence partout. C'est bon, Christopher. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont allés avec leurs parents, tout ça, aux commémorations? Oh, à la communion? Non, moi j'ai pas été. Okay. Moi j'ai été. Ah, alors Steven, comment ça se passe alors? Tu donnes des fleurs. Oui, il y a des fleurs de déposer. Tu les poses dans la terre. Il y avait un monument? Oui. Oui. Tu poses là. Et les gens, ils les balançaient. Hein. Ils les posaient pas, ils les balançaient. Balançaient. Foucault. Peut-être pas quand même. Hein. C'est pas très bien. Ok. Bon, alors, personne. Après, j'ai pas fini. Tu vas à l'église. Ah, tu as été à la messe. Oui. Ok. Ça sent un peu bizarre. Ah bon? C'est un peu gros la messe. À la messe, ça sent la messe? Oui. Ah. Bon. Et puis, après la messe, vous avez fait quoi? On a déporté les fleurs. Oui. On a déporté les fleurs. Après, et après c'est tout. C'est tout. Ok. Non, attends. Ah. On a mangé des gâteaux d'apéro. À la fin, c'était la boisson et c'était le verre de l'amitié. Ah, tout le monde a bu un coup. Ouais. Et avec des gâteaux d'apéro. Alors, est-ce que vous pensez qu'il reste encore des soldats qui ont combattu en 14-18? Non. Pourquoi ils sont encore vivants, qui sont un peu vieux? Bah, je suis pas si sûre que ça qu'il en reste. Hein. Non. Donc, je crois pas. Tu vois, non. Marc, il me dit non plus. Non. 100 ans. Ouais. Ils doivent être... Non. C'est fini, il n'y en a plus. C'est pégant. Allez, on va faire la première pause avec la chanson... Alors Timothée aujourd'hui il est pas avec nous du tout. Il prend des cartes, il tripote des cartes, il intervient à aucune conversation. Timothée, est-ce que tu peux me dire de quoi nous avons parlé juste avant? Timothée. De la commémoration. Oui. Oui. Donc tu écoutes quand même d'une oreille. Non. Mais ce serait bien que tu laisses les cartes là. Hein? Eh ben, on peut faire la première pause, Marc. Tu mets celle que tu veux. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. Une place. Voilà, alors nous étions en train de parler à Timothée. Pourquoi t'as pris Timothée en photo? Qui a mis son manteau sur sa tête. Apparemment, on ne l'intéresse pas beaucoup. Oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu boudes, Timothée? Mais parce que c'était pas celle-là de chanson. Oui, alors tu es déçu, mais qu'est-ce que je viens de dire Zinedine. Je viens de t'expliquer pourquoi. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Chercher musée. Nous avons préparé l'émission quand? Lundi. Vendredi matin. Timothée, c'était l'un des jeunes qui devait choisir sa chanson. Timothée m'a dit, je veux Amir. Ok? C'est Amir, ça. Par contre, je t'ai dit, Timothée, est-ce que tu peux me donner titre? Un blanc. J'ai pas eu de titre. Alors je t'ai dit, tu peux me ramener le titre lundi ou mardi pour que je puisse aller la chercher. Est-ce que tu m'as rapporté le titre, Timothée? Non. Voilà. Je suis désolée, je suis pas demain, je pouvais pas deviner laquelle tu voulais. Donc, hier soir, j'ai sélectionné une au hasard sur la clé. Donc c'est pas à moi qu'il faut en vouloir, Timothée, c'est à toi. Oui, toi. La prochaine fois, tu viendras avec le nom de l'interprète, mais aussi le titre de sa chanson. D'accord ? Oui, mais c'est un nouveau Amir. Ah oui, bah. Il a fait plein de CD. Amir, Et Corinne, Amir, il a fait plein de CD nouveaux. Oh. Ouais. Papa, c'est non, Coco. Papa, c'est non, Coco. Papa, c'est non, Coco. Papa, c'est bon. Et Timothée, si c'était moi qui j'aurais ramené un titre, c'est une interprète, j'aurais ramené le titre. C'est pour ça qu'on aurait pu noter et choisir. Ouais. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, ensuite, le sujet suivant. Alors, Juliana, elle fait quelque chose de particulier maintenant. Et j'ai trouvé que c'était intéressant qu'elle puisse raconter ce qu'elle va faire avec Claude dans des établissements, dans des écoles. Alors, Juliana. C'est beau, ça. Pchut, on écoute Juliana. Le PowerPoint. Alors, vous avez un PowerPoint, oui. Point. Et puis, qu'est-ce que vous faites avec ça? On va dans les écoles pour expliquer c'est quoi un IME, qu'est-ce qu'on fait. Oui, voilà. Et toi, alors, vous êtes combien? Il y a moi, il y a Axel, il y a des fois Marina, il y a Zinedine. Voilà, et Claude. Oui. Voilà. Donc, vous expliquez ce qu'est un IME. Alors, toi, tu es chargée de faire quoi, Juliana? De lire. De lire? Oui, je lis. Oui, alors, tu lis quoi? Ça raconte quoi, ce que tu lis? Bah, qu'est-ce qu'on fait à l'IME? Pourquoi on est dans un IME? Et puis alors, quand vous faites ça, est-ce que vous avez des questions? Des fois oui, des fois non. Des fois oui, des fois non. Et quand tu as des questions, est-ce que tu arrives, toi, à y répondre? Des fois oui, mais des fois c'est Claude. Ah, des fois c'est un peu compliqué. Alors, jusqu'à maintenant, tu as été où? À Fougerolles. Oui. Alors, c'était une école, là? C'était quoi? La MFR. Ah, une maison familiale, alors. Deux fois une MFR à Fougerolles. Deux fois, vous y êtes allé? Oui, deux fois. Une en haut, une en bas. Et c'était des classes différentes, oui. En Satamé, à l'IME, on a expliqué aussi. Ah bah oui, ça. Mais est-ce que vous êtes allé à l'école primaire de Satamé? Oui. Aussi. Chez petits. Chez les petits. Petits. Ah oui. Les petits. Alors, est-ce que tu aimes bien faire ça? Oui. Oui. C'est quoi qui te plaît? Que je lis. De lire? C'est le boulet, ça. C'est le boulet. Et puis d'aller à la rencontre des autres, peut-être, hein? Dans le milieu ordinaire, c'est bien quand même, non, Juliana? Bah oui, c'est valorisant quand même. Hein. Et que tu puisses lire, tu te rends compte? Hein? Non, mais c'est bien, hein, je te félicite, Juliana. C'était vraiment bien d'en parler un petit peu ce matin. Est-ce que vous avez des questions, là, Juliana? Non. Et qu'est-ce qu'elle fait, là? Oui. Et Claude m'a même demandé si Camille et Christopher, ils étaient intéressés. C'est vrai? Tu demanderas à Claude, elle m'a demandé. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Oui, après, vous êtes censé aller au collège aussi. Hein? Vous avez des temps de prise en charge scolaire. Mais il faut voir. Hein? Ouais, si on nous enlève tout. C'est un mardi, on partait. Hein? C'est un jeudi, on partait. Hein? Oui. C'est un peu grave. Hein? Est-ce que vous, ça vous plairait d'aller, comme Juliana, dans les écoles, dans les établissements, pour présenter ce que c'est qu'un IME, le handicap? Ça plairait bien. Oui, les filles. Qu'est-ce qu'on a comme handicap? Oui. Ça me plairait bien, moi. Là, si je te demande c'est quel est ton handicap, tu vas me dire quoi? C'est pas lire et écrire. Ça, moi, c'est pas lire et écrire. Et toi, Juliana, tu dirais quoi? Hein? Si je te demande, là, quel est ton handicap, tu dis quoi? Aïe. Je sais pas. Tu sais pas? Ben là, quand tu es intervenu avec Claude, tu n'as pas eu la question ? Si, j'avais comme Marina. Ah, ah bah alors Marina, c'est quoi son handicap ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Et toi Camille ? C'est pas non plus ? Camille... Moi non plus. Chut, chut. Et toi Corinne ? Bon, on va peut-être pas en parler là. Non, non. Bah moi je travaille à l'IME. Et toi Zinedine ? Et toi Zinedine ? Bah vous demandez à Zinedine, vous savez déjà pas vous-même alors. hein ? Moi je sais, je crois, non ? Et Corinne ? Faire des colères, non ? Pas ça ? Faire des colères ? Oui, c'est pas ça. Bon, bah, tu sais, n'importe quelle personne peut faire des colères. Hein, si moi hein. Pas c'est toi, Zinedine. On en parlera hors antenne, pas là. Pourquoi oui. C'est quoi son handicap ? Il mange la langue française, c'est ça. Qui ça ? Zinedine, il n'articule pas, c'est ça. Il n'articule pas. Bon, allez, on ne va pas parler de ça plus que ça. Zinedine. À la radio, d'accord ? Pourquoi ? Par contre, on peut en parler à l'IME. Et puis d'ailleurs, je vous signale que nous avons un groupe parole avec Emmanuel et tout ça, et que c'est tout à fait le lieu pour en parler. Si vous avez des questionnements par rapport à vous, à vos difficultés, hein ? Voilà, mais on va peut-être pas étaler ça en direct à la radio, hein ? Voilà. Alors ensuite... Qu'est-ce qu'on avait raconté ? Elle est cachée. Alors, il y avait Juliana et Steven, qui, quand on est venu à la radio la semaine dernière, nous ont dit « Demain, nous allons démonter... » Une serre. À Les d'Épinal. Voilà. Alors, est-ce que tous les deux, vous pouvez raconter... Moi, je ne sais pas, c'était pas là. Qui était pas venu. Toi, tu n'étais pas là ? Non. Ah bah alors Juliana, elle va raconter. On a fait pour l'instant, on a essayé de mesurer la serre. Excuse-moi, j'ai pas compris. On a mesuré. Ah, vous avez mesuré. Puis c'est là qu'elle a dit à le bar demande, on va démonter. Ah, donc là, c'était reporté cette semaine. Ouais, demain. Demain, vous allez démonter et après, vous allez la reconstruire à Saint-Amé. Oui, dans les meux. Il y aura une partie qui sera à l'IME et l'autre partie, normalement, je crois, c'est pour Chalbin. Voilà, quoi. Eh ben, on va manger des bons légumes à l'IME. Oh non ! Pourquoi ? C'est quoi une serre ? C'est quoi une serre ? C'est une structure couverte. Toi, souvent, c'est plastifié. Puis à l'intérieur, tu fais pousser des légumes. Des tomates, tout ça. Comme ça, ça abrite... les courants d'air, du froid... Ah, une serre comme ça. Oui, des différences de température. Ah, oui. Et en général, ça pousse bien. Mais il ne faut pas oublier d'arroser. On peut faire pousser des tomates. Voilà, aussi. Des pommes de terre, des carottes. Des souffleurs. Ouais. C'est bon, le souffleur. Non. Si, c'est trop bon. Ça, moi. Aussi, des petits pois. Allez, pause avec la chanson de Juliana. Ah ouais, t'as le Giro, le portrait. Voilà. J'aime trop. L'ange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin. Sa maîtresse, pourquoi parent ne prend pas d'aise, des câlins, il en voudrait tellement. Ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir. Ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Trait pour trait, à partir d'un portrait. Okay. Voilà, c'était la chanson de Juliana. Donc il y a des fans et d'autres qui sont moins. Steven me disait, elle est triste cette chanson. Ouais. Oui. Elle a envie de pleurer. Enfin, il avait envie de pleurer. On a envie de pleurer dessus. On a envie de pleurer sur sa maman. À la fin, c'est sa maman au garçon qui est mort. Sa maman, elle est morte. J'ai regardé c'est pour ça la... qu'il rêve. J'ai regardé la chanson sur YouTube. C'est la maman envoie le portrait de la maman au ciel. Ah, tu avais regardé la vidéo. Ouais. Moi aussi, Corinne. Voilà, portrait de la maman au ciel. Je l'ai déjà vu. Moi aussi. Pour la chanson. Après, moi aussi, Corinne. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire aussi? Ah oui. Vous vouliez parler de vos inclusions. Oui, moi, je vais en sport le mardi. Oui. Au collège. Oui. Oui. Avec qui? Avec Nathan. Avec Nathan. Mais bon, Nathan, il s'est fait une entorse, donc en ce moment, il n'y va pas spécialement au sport. Donc, Juliana, il va toute seule. Ouh. Ça, c'est bien, hein? Ouais. On fait du handball en ce moment. Ah bah. C'est bien, c'est tout? Oui, on fait pendant deux heures, vous faites du handball? On fait déjà des étirements et après, il nous explique des trucs. Il faut quoi? Il nous explique comment faire du handball et puis on le fait et à la fin on fait un match. Mais c'est quoi, Robin? Mais chut, Zinedine! Qui c'est d'autre qui va en inclusion là? Ah, Zinedine! Tu vas en inclusion quoi? Pan? Port? Oui, avec qui? C'est qui lui? Christopher, voilà. Alors vous faites la même chose que Juliana? On sait pas, parce qu'il y avait eu du sport vendredi. Et bon. Alors pourquoi vous pouvez pas y aller en ce moment? Parce qu'ils ont la piscine. Voilà. Donc apparemment ça dure jusqu'au 24, donc c'est bientôt fini. Mmh. Et après vous pourrez aller avec eux parce que là ils vont à la piscine. Et le problème, ça aurait été bien qu'on puisse aller avec eux à la piscine, mais ils rentrent trop tard. Nous les a partis alors. Voilà, nous il faut qu'on rentre à l'IME avant qu'ils ne soient revenus, donc ça va pas. Moi j'aime pas aller à la piscine. Donc vous irez bientôt avec eux. Le 24. Hein, ah bon. Voilà. Qui c'est d'autre qui a une inclusion? Thibautée. Timothée, il est pas trop avec nous. Hein. Oui, Juliana. Si, je vais en art plastique avec Timothée. Voilà, alors vous faites quoi là? On regarde des portraits. Oui, là on a travaillé un peu sur les peintres. Ouais. Hein, ouais. Et on fait de la peinture. Des jugés, ça. Des jugés. Oui, vous avez fait des montages aussi de l'autoportrait. Hein? Vas-y, Nadine, c'est Timothée, il n'est pas avec nous, là. Ouais. Il est dans la lune. Dis-nous. Il fait la tête, Timothée. Et Timothée, il va aussi en musique. Alors, Timothée, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en musique? Moi, je fais... Tu veux bien enlever ta capuche, s'il te plaît? Vas-y. J'apprends les notes. oui. Les notes de musique. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes des notes de musique? Je sais plus. Bah, au moins une. On en a là. Au moins une. Fa. Ah, fa. Est-ce qu'il y en a d'autres là qui connaissent des notes de musique? Fo. Fo. Fu. Su. Non. Bah vas-y, je viens là. Si. Si. Do. Do. Ah, je sais. Vas-y. Su. Non. Su. Fi. Fi. Ah. Je sais pas moi. Mi. Mi. Oui, mi, c'est une note de musique. Ri. Oh non, je ri, sais pas. C'est une note de musique. Ah, ouais. C'est peut-être pas. Des nouvelles, hein, ouais, hein, qu'on connaît Do. Pas. Mais. Mais. Do. Le joli mois de mai, c'est une note de musique. Ju. Do. Do. Ka. Do, après c'est quoi? Ré. Ré. Mi. Oui, mi, après. Fa. Fa. Sol. Sol. La. Si, do. Bien. Alors vas-y depuis le début. Do. Do. Ré. Mi. Fa. Sol. Fa. Mi. Ré. Do. La. Si. Do. La. Si. Do. La. Ré. Do. Ré. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Qui c'est qui peut répéter? Vas-y, Juliana. Fa. Non. Do. Do. Ré. Mi. Fa. Mi. Ré. Ré. Si. Mi. Mi. Do. Oh, voilà. Bon, il y a encore un peu de travail dans les Attends. Notes de musique. Hein. Oui. Fi, sa, si, do. Alors, regarde, Sylvain. Do. Do. Fi, sa, ré, mi, fa, si, do. Voilà. Bien. Zinedine, vous jouez à quoi, vous deux? Cite les notes de musique, là. Non. Arrête de crier dans le micro. Là, on était dans les notes de musique. Hein. Non, les notes. Ben, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. Non. C'est quand même la base, hein, connaître les notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et puis, quoi d'autre encore en musique, à part apprendre les notes? Est-ce que tu es en musique, Juliana? Non. Bon. Timothée? Oui. Tu es déjà en musique avec qui? Nicolas. Voilà, avec Nicolas. Donc, après avoir appris les notes, vous avez appris quoi? Moi, la dernière fois, j'étais là avec Nathan. Mais maintenant, là, je suis avec Nicolas. Alors, avec Nathan, c'était l'année dernière. Et cette année, tu as commencé avec Zinedine, mais Zinedine, ça ne l'intéressait pas. Donc maintenant, c'est avec Nicolas, c'est ça? Oui. Voilà, on y arrive. Donc, à part les notes de musique, tu as appris quoi? On en a parlé. Hein. Chanson. Ah, oui, il y a une chanson sur laquelle on travaille, c'est laquelle? C'est qui? Kids United. Non, c'est au début. Ah oui. On a passé sur une autre chanson là, hein, oui. Timothée. Hein. Il faut rester avec nous. Alors. Je sais plus. C'est Charles Aznavour et c'est. La. La. Je sais pas. La bohème. La bohème. La bohème. Corinne. Oui. Corinne, tu peux la chanter un peu? La bohème. Pas Charles Aznavour, la bohème? Non. La bohème. Corinne. Ben voilà, il en ça voulait dire. Qu'on a 20 ans. Bien, Camille. Vas-y, continue. La bohème. La bohème. Ça voulait dire. On est heureux. Non? Si. Si. Corinne, je l'ai en CD. Eh ben voilà. Et le début, ça commence. Je vous parle d'un temps. De loin, c'est un temps. Je ne peux pas connaître. C'est ça? Eh ben voilà, Timothée. Oui.

Je compte sur pas vous moi. Vendredi pour avoir des supports. Bah moi, Corinne. Ceux qui n'ont pas de support... Pas surtout. C'est Corinne qui choisit la musique. C'est moi qui mets. Et c'est tant pis pour vous. Hein, parce qu'il faut quand même vous motiver un petit peu, là, et puis que vous participiez un peu plus, parce que vous attendez, pour la plupart, que tout tombe tout cuit. Hein, que je vous apporte les chansons, enfin tout ce qu'il faut. Quoi. Ça, et c'est puis, YouTube. Hein, faudrait presque que je vous donne les infos, tout ce qui se passe. Vous intéressez pas. Et ce week-end, donc, les infos aussi. On est d'accord ? Oui. Promis, Corinne. Donc, eh ben, écoutez, on va remercier tout le monde. Au revoir. Hein. On va saluer les auditeurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On va rappeler à Nicolas que nous le recevrons prochainement. Prochainement. Et on souhaite une bonne journée à bonne tout journée le monde. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Vous bien. Au revoir à tous. Ah. La micaouette me fait la tête. Cacahuète. La petite Noé veut plus me parler. La micao, ma micao. Cacao. La petite Ramel m'est infidèle. Cahuamel. Monsieur Hannibal me mine le moral. Cannibal. Mamselle.